de Jean-Bernard Pouy. Contrainte. Chaque phrase débutant après un point, point final, point de suspension, point d'interrogation, point d'exclamation, commence par une lettre de l'alphabet, dans l'ordre A, B, C, D, etc. Sauf le poème de Prévert, bien sûr. Belle question. Ah. Qu'y a-t-il de plus chiant qu'une communication d'Alain Minc au symposium « L'avenir radieux des délocalisations » ? Bêtement. B. Qu'y a-t-il de plus improbable qu'une participation d'Annie Cordier au festival de Bayreuth ? Conjointement. C. Qu'y a-t-il de plus inefficace qu'une coupe du monde de curling ? Dernier essai. D. Qu'y a-t-il de plus énervant qu'un cinéaste disant du mal de Jean-Luc Godard ? Et la réponse ? E. Une assemblée générale de copropriétaires. Furieux moment de théâtre. F. Gavés sont, G. à perpète, ceux qui ont connu cette expérience et qui savent ce qu'il en est. Hélas, H. on arrive avec l'espoir que la délicate question du ravalement du bâtiment Z sera enfin réglée, qui va payer, et l'on repart, 4 heures après, avec l'envie de démonter le bloc d'évacuation du lavabo qui sert de cerveau à tous les possédants d'appartements en centre-ville. Insidieusement, I. j'ai toujours pensé que dans « Assemblée des copros », il y avait « copro », un truc qui rappelle les fondamentaux, si j'ose dire. J. Je dois préciser que ça se passe généralement mal, très mal, avec des cris d'oiseaux, des gestes déplacés à tendance sadique, de grandes envolées lyriques se concluant par des chaises renversées et des claquements tonitruants de portes. Kafka, K. version hard. L. Les responsables font donc appel à la société civile, qui leur envoie quelqu'un comme moi. Moi, M. c'est-à-dire un médiateur. N. Non pas un négociateur, mais un médiateur. Ça n'est pas exactement pareil. Or, moi qui, dans l'adolescence, aurais plutôt désiré être un médiateur, ce petit cœur en plastique qui, dans les doigts de Jimmy, foutait le feu dans les nerfs un peu endormis de tous les fanatiques de blues, je suis là, à Rennes, depuis le début d'après-midi, arrivé en train. P. Parce que ce matin, très tôt, j'ai pris le ferry au Palais, dans ma chère Belle-Île. Quiberon, Auray, changement et le TGV jusqu'à Rennes. Résolument R. furieux au point de ne pas regarder le paysage qui est pourtant si beau après Redon, j'en ai profité pour relire mes notes et comprendre ce qui allait se tramer dans la prochaine réunion. S. Si l'Assemblée Générale est commencée depuis plus d'une heure, donc si je suis en retard, je m'en fous. En début de séance, je m'ennuie généralement, comme un rat mort. Les premiers votes, le renouvellement des divers bureaux, la reconduction hypocrite des diverses confiances accordées, les quotas, les quitus, tout ça. T. Un moment appréciable. U. Car pour l'instant, les propriétaires qui se regardent pourtant avec des canons de 75 dans les yeux se tiennent assez bien. Quelques paroles un peu acerbées croates, c'est tout. Vanitas vanitatum. V. Je sais par expérience que d'ici peu, ça va changer. Que la bataille d'Iéna se prépare et qu'il risque d'y avoir très vite de la viande au plafond. Waouh ! W. Toute cette bande de gens bien peignés et pomponnés va s'empailler comme une horde de chiffonniers dès que les questions en suspens vont être abordées. Xantippe engueulant Socrate à côté, c'était dérisoire. Y a-t-il un moment crucial y. où je dois intervenir ? Calmer les guerriers, rappeler la loi, mener les négociations ? Oui. Zorro, Z. c'est moi. À Bibi de faire en sorte qu'en fin de séance, les tueurs et tueuses en bisbille se saluent mollement, même s'ils n'ont pas eu leur part de chair fraîche, tout en ayant, en passant et en rechignant, raqué un maximum. Bref, tout ce souk, pour l'instant, passait sur moi comme une miette de pain sur une toile cirée. Car je pensais à Belle-Île et à ma petite maison de Calastraine, comme une de Bangor. Disons une certaine idée du paradis. Et j'étais furieux parce que c'était aujourd'hui que les grandes marées débutaient, alors que les monopoliens du mètre carré s'insultaient copieusement en s'accusant d'avoir squatté 30 cm carrés d'un chiotte d'étage inoccupé depuis 500 ans. Je refaisais le chemin entre les prunelles sauvages, vers la lèvre de la falaise, et descendait le raidillon ardu vers la crique du Docho, libre, déserte, inoccupée, d'où à poil je partais sur le sable rose, entre les rochers pour une fois accessibles, sous lesquels je passais des plombes à trouver des dormeurs. Fabuleuses ces heures bénies où je m'attrapais des coups de soleil atomiques, où je ne pensais à rien qu'au petit bonheur de la brise fraîche caressant ma peau nue, tout en me persuadant que ce n'est pas aux Seychelles que l'on pouvait sentir pareillement son corps. Généralement, j'en étais à me demander si cette année, les contrebandiers, en général des Espagnols, seraient dans le coin, le marteau et le burin à la main pour leur récolte interdite de pousse-pieds, et se trouvant beaucoup plus paniqués en voyant débouler des nudistes que des gendarmes. J'en étais à ce genre de supposition quand, dans la salle grise et sinistre du syndic, la première altercation sérieuse a éclaté, comme une fleur vénéneuse sur un drap de velours incarnat. « Horreur, capitaine ! Il fallait bien passer par là !» Je le savais. Qu'en tient comme problème ? L'alerte est venue d'un propriétaire du deuxième étage hurlant qu'il faudrait une troisième guerre mondiale atomique pour qu'il accepte de mettre le moindre centime dans un putain d'ascenseur à deux places qui va coûter un bras alors qu'il vaudrait mieux régler le problème des arrivées d'eau en plomb avant que la loi n'y oblige. Mais quand il rajouta qu'il n'en avait rien à battre des habitants des étages supérieurs et qu'il vaudrait mieux qu'ils mangent moins de graisse et fassent un peu de sport, au lieu d'emmerder tout le monde avec leurs problèmes de poids, de dos, de vertèbres, de genoux et de cœur, ce fut comme s'il avait récité les chapitres des 120 journées de Sodome en insistant sur les détails. Ni une ni deux, les 5 rangs de chaises inconfortables sur lesquels étaient vautrés les copropriétaires ont aussi sec fait plus de raffus que la tribune sud du Parc des Princes. Or, le pyromane était un type d'un certain âge, avec des traits asiatiques et lointains, genre maître de karaté ou de kung-fu, en costard passe-partout, et totalement impassible face à la vindicte de ses congénères. Le genre de gus à ne pas s'en laisser compter. Pourtant, avant que j'intervienne, avant que, c'est souvent le cas, certaines infra-pensées racistes ne voient le jour, une évidence m'a traversé l'esprit, qui n'était pas prévue. Risiblement, ce type ressemblait au héros d'un documentaire que j'avais vu, il y a longtemps à la télé, et qui m'avait profondément troué. Sur un type, un Sibérien sans doute un fonctionnaire, tranquillof comme Batistoff, qu'on venait chercher parce qu'il y avait en même temps un tigre qui terrorisait un village en pleine taïga et un zoo de Saint-Pétersbourg qui désirait avoir un spécimen vivant de ce genre de fauve. Typique, le Sibérien. Un cas. On apprenait alors que c'était sa spécialité, capturer les félins les plus dangereux du monde sans leur faire du mal. Véridique. Visigoth, le mec. En mieux. Xerxès, si vous préférez. Youpi. À partir de là, le documentaire devenait aussi passionnant qu'un épisode de Star Wars. Le type partait dans la neige avec ses deux aides, ses chiens, 5 ou 6, un stock de cordes et de bâtons, pistait le tigre jusqu'à trouver son repère, un entrelac de troncs écroulés et de broussailles. Zen, le mec. Après, ça devenait totalement imprévu, voire surréaliste. Bien sûr, avec ma sagesse, ma raison furieusement platonicienne, j'ai réussi à convaincre l'Assemblée de suivre l'avis du chasseur de tigres. Concrètement, il valait mieux dans un premier temps débourser leurs précieux euros pour changer tous les tuyaux d'arrivée d'eau, parce qu'il serait assez vite obligé de le faire. Décision pour l'ascenseur, ça pouvait attendre 2 ou 3 ans. Et après, on est passé aux épineux problèmes du changement de code d'entrée de l'immeuble et du remplacement du rhododendron souffreteux de la cour A. Fastoche. Gong ! Harassé, en fin de round, ils m'ont remercié. J'ai donné au syndic ma note d'honoraire. Il m'a dit « dans une semaine ». J'ai salué tous les participants. Tous me regardaient comme s'ils avaient le traître Ganelon devant eux. Je me suis cassé en leur disant malicieusement « à l'année prochaine ». Et en fonçant tête baissée vers la gare pour voir s'il y avait encore un train, un TGV, un TER, une brouette, n'importe quoi, pour revenir vers la côte et ma grande marée chérie. Il y en avait un, jour de chance, kebab. Demain matin, mes pieds ne s'enfonceraient qu'à peine dans le sable mouillé, à 300 mètres de la plage habituelle. Là, je pourrais me gratter des nougats en plein vent et hurler tout seul face au paquet d'algues. Merveilleux. Néanmoins, je me descendrais une bouteille de muscadet, seul, face aux vagues sages et lointaines. Obscène, liquide contre liquide. Pas loin de 22h, gare de Vannes. J'étais descendu du train à peine une minute, pour en griller une sur le quai. Une main sur la barre, près de la porte, au cas où le train démarrerait inopinément, quand mon portable a sonné. Rarement ça sent bon, ce genre d'appel tardif. Saleté. Tatillon, un fonctionnaire de la préfecture qu'on avait dû d'empêcher d'aller se pieuter et dont l'énervement était proportionnel à l'assurance que, du coup, il ne dormirait pas de la nuit, hurlait que c'était urgent. On avait urgemment besoin de moi. Un patron de PME, à bout, venait de descendre un délégué syndical et s'était barricadé, armé jusqu'aux dents, dans des locaux de sa petite entreprise. Vu le profil du forcené, le GIGN ou le RAID, je n'ai pas bien compris, était sur place. Hésitait à intervenir, car on risquait le carnage. Donc, normal, on avait fait ça besoin de moi, avant de compter les morts. World Logic, la boîte du tueur, le théâtre des opérations, était à une dizaine de kilomètres de Lorient. Ça tombait bien, c'était juste après Auray. Ça tombait mal, il y avait obligation. Et pour les grandes marées, c'était foutu de chez foutu. Xénoclès ne l'aurait pas mieux décrit. Sur le quai de la gare de Lorient, on m'attendait comme le loup blanc. Une voiture de la gendarmerie, deux costauds en mission qui m'ont enfourné dans une bagnole à toute vitesse, et surtout sans commentaire. Yeti ne me confiant aucune explication. Zéro. Alors là, j'ai compris que leur empressement, vaguement déférent, n'était pas dû à ma personnalité, mais au fait qu'il y avait vraiment urgence. Bref, on a foncé vers l'intérieur morbihanais, gyrophare en goguette. Il n'y avait pourtant presque personne sur la route, et les villages traversés étaient aussi déserts qu'un soir de finale. Concrètement, l'entreprise World Logic, spécialisée dans, comme ils disent maintenant, la logistique, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour livrer, transporter, commander, stocker, étiqueter, etc., employait une cinquantaine de salariés, dont une bonne moitié avait le cul vissé sur un siège de camion. D'ailleurs, une vingtaine de grosses camionnettes et de semi-remorques, tous avec le sigle de la boîte peint sur la caisse, étaient alignées sur le parking en plein vent et en pleine nuit. Et devant, une armada de voitures de gendarmerie et de la préfecture, avec des barrières, des rubans rouges et blancs, des fonctionnaires barrant le passage, beaucoup de gens, frileux, sous les quelques projecteurs illuminant la scène du drame, notamment trois équipes de télévision, pour l'instant locales. Furieux, j'ai pensé que si je ne faisais pas le boulot espéré par tous, dans plusieurs heures, il y aurait alors les chaînes nationales, 5 ou 6 BFM TV. Le début de la honte, l'affaire était rude, il y avait déjà eu mort d'homme. Groggy, moi qui commençais à avoir sommeil et qui rêvais de me retrouver dans mon petit lit frais de la chambre vert pâle de Calastrène, avec en fond sonore le roulement régulier des grosses vagues venant du large, je suis entré dans l'œil du cyclone. Hautaine, c'est la voix cassée du procureur de la République qui m'accueillit presque à froid. Itourligui, procureur délégué. Bonjour, monsieur le médiateur. Merci d'être venu si vite. C'est un des juges du tribunal d'instance qui nous a donné vos coordonnées. J'étais dans le train venant de Rennes, comme si j'avais prévu de venir ici. Kierkegaard. Du pur Kierkegaard, j'ai pensé. Ce n'est pas pour voir vos tronches de déterré que j'ai fait si vite. C'est pour aller me baigner à poil sur la plage du Dos de Chaux et mater les crabes. Là, si vous voulez bien me suivre, on a un briefing dans 15 minutes, vous tombez bien. Mais je dois vous préciser qu'il y a plusieurs personnes qui ne voient vraiment pas d'un bon œil, si j'ose dire, votre présence. Ne paniquez pas. Les cow-boys, j'ai l'habitude. Ils veulent gazer le type et terminer fin des festivités. Or, le forcené menace de se suicider. Par contre, comme il a tué quelqu'un, la justice et le syndicat dont faisait partie la victime veulent l'avoir vivant. Que du normal. Résolument démocratique. Si vous le voyez comme ça. Théoriquement, nous avons combien de temps avant que les Dark Vador attaquent? Un membre de la cellule de crise vous le dira. Ça sera sans doute le procureur de la République qui donnera l'ordre. Vous verrez ça avec lui. Il sera là demain matin, tôt. Warning, je me suis dit. Pour dormir cette nuit, c'était râpé. J'espérais simplement qu'il y aurait du café et des sandwichs. Xylocarpe au pâté. Yakuza de l'estomac. Zut et rezut, j'y avais quand même droit. Avant que les divers responsables réunis pour le briefing ne passent à la stratégie, ils m'ont dressé le tableau, genre expressionniste, tout en me regardant avec des tronches qui disaient nettement « Mais qu'est-ce que ce Gus va bien pouvoir faire avec ce démon, ce tueur là-bas barricadé dans son bureau ? Bordel, que peut-il faire ? Alors que ça fait 2 jours qu'une petite armada de policiers matois et de psys de tout poil a tout essayé pour faire revenir à la raison un cramé de la tête qui n'a plus rien à perdre, qui comprend bien qu'il risque 20 ans de placard, qui est affûté comme à l'aïeul, celui-là même qui a bloqué toutes les fenêtres, qui a de quoi tenir un siège d'une bonne quinzaine de jours, qui a un paquet de flingues sous la main et peut-être même des explosifs dont il compte se servir, y compris, in fine, contre lui-même. Donc, un certain Marcel Gendron, patron depuis 20 ans de l'entreprise World Logic, une boîte anciennement prospère qu'il avait fondée en compagnie de son beau-frère, décédé il y a 2 ans. Et depuis la mort de ce dernier, Depuis qu'il avait découvert que son associé, qui tenait double compta, l'avait planté grave, il n'avait pas su remonter une pente sur laquelle glissait lentement l'entreprise. Fermer, une des solutions. Ou bien licencier sec une bonne moitié des salariés. « Grotesque !» hurlait la CGT, qui refusait obstinément tout aménagement tant qu'on ne l'associait pas à ce genre de décision. Horripilé, le Marcel, remonté comme une comptoise, refusait tout aussi obstinément de céder ses parts, de vendre, d'abandonner valeureux capitaine le bateau en train de couler. Et surtout, d'admettre que les syndiqués, tous aux ordres de Poutine, avaient raison. Immanquablement, la dernière confrontation, deux jours avant, entre le patron et la délégation syndicale, avait mal tourné. J'imaginais assez bien la discussion, en plein orage, où les invectives pleuvaient, en pleine tornade où les éclairs sémantiques éclataient de tous côtés, quand Marcel Gendron avait brandi un fusil à pompe et tiré dans le tas. Kamikaze. Le syndicaliste, anodin, qui pourtant n'avait rien dit de plus haut que la moyenne, était mort sous la pression d'une volée de chevrotines destinée pourtant à d'indestructibles sangliers. Maelstrom et panique à bord, bordel général. Le temps que le patron, qui apparemment avait prévu le coup, s'enferme dans son bureau, le transformant en fort boyard à vitesse grand V. Nas, doux, depuis, vociférant et menaçant, il ne voulait rien savoir. Objectivement, ce que j'ai grosso modo compris, c'est que j'étais une sorte de dernier recours. Petit ours, tu ne sais pas la gueule que peut avoir un dernier recours ? Qu'importe. Rigole pas, la mienne. Chérie. Sur ce, j'ai demandé un café et un petit sandwich. Tassé, le café. Breton, et même pas arrosé. Un encas au pâté, n'importe lequel, du Hénaff, par exemple. Voilà, normal. Well, après j'ai questionné le psy, qui n'était pas encore parti se coucher, pour m'entendre confirmer que le Gendron était un forcené de chez forcené. Xénophon chez les muets, aigu, intelligent. Y compris une énergie phénoménale, celle d'un certain désespoir. Zouave qui n'avait rien à perdre, car persuadé qu'il avait déjà tout perdu. Avec tout un fatras de considérations analytiques auxquelles je n'ai rien compris. Sinon que ça pouvait être des sujets d'examen possibles. Brusquement, on m'a amené sur le théâtre des opérations. J'ai dû passer entre un paquet d'êtres humains tout en noir, ou du moins en bleu marine foncé, cagoule et gilet pare-balles, qui ne se sont écartés qu'avec peine, comme si j'étais l'ingrédient qui allait gâter la sauce. Car le monstre était barricadé derrière une porte à guichet, par lequel, sans doute, avant, il devait communiquer avec ses secrétaires. De plus en plus arbi, comme si, depuis longtemps, il refusait tout contact. Ensuite, le gars de la préfecture, celui qui depuis le début du siège avait le plus communiqué avec Marcel, a cogné du doigt sur le bois du guichet, tout en restant prudemment à côté de la porte. Fiez-le, le type. Gendron, le médiateur de la République est là, il voudrait vous parler. Héloïse a dit la même chose à Abélard. Vous connaissez le résultat ? Qu'il aille se faire mettre ! Il est venu pour vous parler, monsieur Gendron. Soyez raisonnable, enfin ! J'en ai rien à carrer ! Calmouc ! Bande de calmouks ! La paix, foutez-moi la paix ! Mais demandez-vous, bande d'ignards, s'il y a de la raison dans tout ce bordel ! Normalement, monsieur Gendron, le médiateur est là pour vous aider. Pour nous aider, pour aider tout le monde ! Orientez-vous vers la Mecque, bande d'arabes ! Plus ça va, moins je vous crois, j'en ai rien à foutre de votre aide ! Par saint baveux ! J'ai pensé, c'est pas comme ça qu'on va arriver à quelque chose. Monsieur Gendron par-ci, monsieur Gendron par-là, ce type... Il faut se mettre à son niveau, qu'il ait l'impression de causer avec un père, P-A-I-R, et non avec un père, accent grave R-E, un instit, un juge. Que tout le monde sorte. Qu'on me laisse seul dans le bureau. Résolu, j'ai disposé une chaise à 2 mètres de la porte à guichet. Silencieusement, sans heurts, sans cris, je me suis assis et j'ai soufflé un bon coup, attendant une bonne flopée de minutes. Tapis, le taureau devait être derrière la porte du corral, et j'avais subitement l'impression d'être au milieu d'une arène. Une arène en formica et bois de teck. Vacherie, j'étais en eau. Wittgenstein l'a dit avant moi. Ce sont toujours les premiers mots qui sont déterminants, qui donnent le ton du drame, qui disent si c'est une tragédie shakespearienne ou la version noire d'un labiche. Xénophon aussi, d'ailleurs, et avant lui. Y a quelqu'un ? Zut, zut et zut, monsieur Marcel. À vous, je le dis, je m'appelle Bernard. Bernard, Clairement, mon boulot, c'est médiateur, c'est-à-dire d'être au milieu. D'ailleurs, je suis seul dans la pièce et assis sur une chaise à 2 mètres de votre porte. Forcément, je n'ai ni arme, ni appareil photo, ni magnéto. Globalement, je dirais que j'attends, que je vous attends. Hello ? Il n'y a eu aucune réponse. J'ai aperçu au même moment le petit œilleton dans le haut du guichet. On ne m'avait pas parlé de ça. La flicaille n'avait même apparemment pas remarqué. Klaxon dans ma tête, élément prédominant. Le dingue pouvait donc vérifier en prenant ses précautions. Mutin, j'en ai profité pour me gratter sous les genoux. Normalement, un tic qui se gratte sous les genoux n'a pas trop de mauvaises idées dans la tête puisqu'il prend son temps pour se gratter le dessous des genoux. Ordinairement, monsieur Gendron, moi non plus, j'en ai rien à foutre. Parce que votre problème par rapport à la Syrie, au Darfour ou à la Crimée, ce n'est pas grand-chose. Remarquez, ça m'intéresse quand même. Ça n'est pas anodin, votre problème. Silence. Pas de réaction. Aucun bruit derrière la porte. Théâtralement, là, je me suis gratté les couilles. Une réaction. Ce qu'il faut, c'est provoquer une réaction. J'ai le temps. Quitte à balancer un truc crétin. Vous dites que c'est l'Europe qui vous a amené là. Waste ! Ne me parlez jamais de l'Europe ! Ne prononcez jamais ce mot ! C'est un trail ! Yalta ! Zarma où je fais tout sauter et moi avec ! Avec la voix rocailleuse et haut perchée du forcené typique. Bien, j'avais touché le point sensible du premier coup. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, mauvais, ça. Délicat. Erreur. Fallait pas l'énerver, je ne pouvais pas savoir. Mais en y réfléchissant, 50% des délires patronaux sont d'origine bruxelloise. Globalement, c'était mal barré. Oh, attention, j'ai dit un peu ça au hasard, je n'ai rien à voir avec l'Europe. Il s'agit simplement de mon boulot, pour être franc. Je vais même être payé pour ça, avec une partie de vos impôts, une infime partie, mais bon. Kundera, vous connaissez Kundera ? La vérité est que si l'on n'arrive pas à parler, je serai payé quand même. Ce qui sera un scandale. Un tout petit scandale, mais un scandale quand même, je veux bien l'admettre. Malheureusement, c'est bien des gens comme vous que je veux voir disparaître. Tous ceux qui ont tout fait pour me couvrir de merde, jusqu'à ce que j'étouffe. Non, mais d'accord, mais ce n'était pas la peine de bousiller un type du syndicat. Lui aussi faisait son boulot, lui aussi défendait sa peau. Vous lui auriez fait une grosse tête, ça aurait suffi. Ouais, c'est ça. Et j'avais une plainte pour voie de fait en plus de tout le bordel. Peut-être, mais maintenant, vous avez une accusation de meurtre. Qui vient de me la signifier, je m'en tape. Résultat de la première algarade, emporté par son élan, il a ouvert le guichet. Surprise ! Un gros type, mal rasé, le visage quasiment huméfié par la colère et la fatigue, les yeux exorbités et un peu fous, m'a regardé méchamment. Tout à coup, l'impression d'être à Guignol, avec un niafron un peu plus allumé et dangereux que d'habitude. Une certaine ressemblance avec Hakim Tamirov, dans Alphaville. Vous restez assis, vous bougez pas. Waouh, je ne bouge pas, je suis là pour parler. Pas pour faire des entrechats. Exantype de mes deux. Votre humour, vous savez où je me le mets ? Il manquait plus que ça. Pour le faire un peu rigoler, pour le détendre, ça allait être du rail. Pourtant, c'est nécessaire, dans une médiation bien menée. Zorglub, peut-être qu'il fallait que je lui raconte une histoire de Toto ? À sec ? Bon, ça n'était pas vraiment le genre. Ce type, il insulterait la guillotine même sous la lame. Dites. Ouvrez votre veste. Écoutez, je ne suis pas armé. Fumier, ouvre ta veste, putain. Goguenard, je me suis exécuté. En me tournant, pour montrer mon dos, comme ça, il serait rassuré. Héros, jamais. Il ne faut jamais rien cacher. Je tentais d'être le plus normal possible, pas comme les autres en cagoule. Le flingot à la main, colossal finesse. L'idéal est d'amener ce genre de confrontation vers une ambiance de salon de thé. Maintenant, enfoncez le pion. Néanmoins, je vous rappelle que je ne fais partie ni des flics ni des gendarmes, que je ne représente pas la justice. Je ne suis qu'un médiateur. Objectivement, je vois toujours pas à quoi vous pouvez servir à part me faire chier un peu plus. Par un déluge de bavasserie à n'en plus finir. Que des conneries. Ne pas se laisser enfermer. Changer de sujet. Établir une autre connexion. Me lever pour marcher un peu. Restez assis, nom de Dieu ! Si vous avez peur, je peux vous assurer que vous ne risquez rien. Tenez, ce n'est pas moi qui veux enfoncer la porte. Vous avez vu comme je suis taillé. Un pas de plus et je tire. J'ai appris à me méfier. Restez assis ou je referme la trappe. Vous voyez comme vous êtes dur. Et quand j'aurai envie de faire pipi, on fait comment? Walou, j'ai d'autres trucs plus urgents à régler que vos problèmes de prostate. Xaco, sans prévenir, a refermé le guichet. Yak 1, 0 pour Bibi. À l'usage, c'est toujours comme ça. C'est comme la Ligue des Champions. Ça n'est pas parce qu'on perd le match aller qu'on n'a plus aucune chance au match retour. Bernick, c'est toujours important et même déterminant que l'adversaire ait l'impression de pouvoir gagner en marquant le premier but. Car il se dit que vous n'êtes pas une montagne. De plus, il devient persuadé qu'il peut vous mener par le bout du nez et obtenir des aménagements. Et je me suis levé pour aller pisser. Fourbu, je commençais à sentir la fatigue. Pourtant, il fallait que je tienne. Ce genre de négociation, ça pouvait durer longtemps. Grave, j'en ai profité pour interroger des huiles présentes. Qui était la victime, le syndicaliste? Une grande gueule ou un lambda? Honnêtement, j'ai tenté d'amasser le plus de petits renseignements possibles. Il faut savoir que c'est souvent dans les détails que la solution peut apparaître. Je n'ai rien obtenu. Kronstadt. La victime était un délégué CGT normal de chez normal. Pas plus énervant que d'habitude. Pas trop fort en gueule, pas vraiment médiatique, mais une vraie teigne qui ne baissait jamais les bras. À la limite d'être pris pour un obtus de la plus belle eau. Manifestement, c'est au moment où une avant-garde de syndicalistes avait essayé d'entrer dans le bureau du patron pour lui demander d'enfin bien vouloir honorer de sa présence la dernière réunion avec un repreneur possible, que le drame avait eu lieu. Nul, le drame en soi. Un simple coup de fusil, un mort sur le coup et le bordel total. Or, c'était le seul et brutal élément sur lequel on pouvait compter. Pas d'autre véritable raison de vouloir la peau du fou. Et c'était là-dessus que la négociation devait se baser. Que faire ? Rien pour l'instant. Subir. Total, au bout d'un quart d'heure, je suis revenu m'asseoir, au centre de la petite pièce, face à la porte, en faisant du bruit pour bien marquer ma présence. Un bide. Aucune réaction. Vraisemblablement, il m'épiait. Well, je ne vais pas vous bourrer le mou. Vous avez tué quelqu'un, et les gens qui m'emploient ont bien l'intention de vous en demander des comptes. Xénomane, quasi-Xénomane, une petite voix me répondit. Mais il veut quoi ? Zob, qu'est-ce que vous avez à y gagner, vous, à me torturer ainsi ? À qui voulez-vous vraiment faire du mal ? À personne. Bêtement, à éviter qu'il y ait une autre mort d'homme. Mais c'est pas sûr, il y aura la mienne, si vous me foutez pas la paix. Dommage. Mais qui s'en fout ? Faut pas rêver. Si vous croyez que je vais passer ma vie en tôle ? Ok, j'ai tué quelqu'un. Mais j'ai fait vivre depuis pas mal d'années un paquet d'individus qui, sans moi, sans mon travail, sans mon abnégation, auraient crevé la gueule ouverte. Gueule ouverte, vous entendez? Honnêtement, ça fait une moyenne. Un partout, la balle au centre. Il vaut mieux être en taule qu'à Pôle emploi? C'est ça que vous pensez? J'ai pas dit ça. Krishna, vous voyez? Si la discussion commence comme ça, ça démarre vraiment mal. Enfoiré. La petite porte s'est brutalement refermée. Malheur, la faute, la faute, la faute. Nullissime. Ordinairement, je ne dis jamais le fond de ma pensée. Peut-être que c'était foutu. Peut-être que je devais admettre ma défaite et laisser faire les gros bras avec obligatoirement une autre mort à la clé. Quoi qu'il en soit, maintenant, il allait falloir attendre son bon vouloir. Rasant les murs, je me suis levé, j'ai quémandé un café et l'on m'a demandé fielleusement de combien de temps j'avais encore besoin pour persuader le forcené de se rendre. Si je le savais... Tétanisé, j'ai répondu au flanc, encore quelques heures, combien ? Impossible à dire. Un instant, j'ai pensé émettre quelques généralités comme quoi, à mon avis, le Marcel, je l'avais senti un tout petit peu changé. Version officielle, il fallait attendre. Lui aussi devait en avoir assez. Valala ! Un vrai Valala ! Les huiles policières et gendarmesques m'ont regardé avec rage, suspicion, pitié. Pour eux, j'avais vraiment du temps et de la salive à perdre. Et seuls les gens de la préfecture semblaient vouloir m'appuyer. Xénophobe. En plus, ce type est xénophobe. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Vous êtes certain de votre coup ? Il n'y a pas de loi. Mais il vaut mieux tout tenter que de provoquer un carnage de plus. Zarmin, ce Gus, est en pleine possession de ses moyens. Avec les gaz... Bingo ! Je vous rappelle que c'est vous qui m'avez précisé qu'il avait piégé 3 ou 4 bouteilles de propane. Comme il est barré, dès qu'il va sentir les premières fumerolles, à mon avis, il va tout faire sauter. Déprimé, sans attendre une quelconque décision, voire carrément un verdict, je suis retourné m'asseoir, le mug à la main. Et le silence pesant. Finement, j'avais demandé aux responsables des assaillants, les forces de l'ordre, de faire le moins de bruit possible, juste créer une sorte de paix, certes avant la tempête, mais une paix quand même. Et dire que j'aurais pu, au même moment, fouler le sable blond du dos de chaud, gueulant face aux vagues, heureux, mais évitant de mettre le pied dans une flaque où pourrait dormir une vive. Il y a eu un éclair dans ma tête et je me suis souvenu. J'étais à Belle-Île, capitale Le Palais, la fin des années 60. Quérillé. Le matin, quand il ne faisait pas trop beau, on passait la journée sur le port, guettant le bateau, le vieux Gerveur, arrivant essoufflé de Quiberon. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Les grands allaient invariablement se torcher dans un bistrot, rigolant fort avec les pêcheurs et vannant comme des goélands. Mais les moins grands avaient de quoi louer des vélos lourds et grinçants qu'ils poussaient dans les côtes entourant la petite ville. Et quand ils arrivaient dans la plaine, loin au-dessus, ils se mettaient à pédaler en plein vent et se faisaient très mal aux mollets. Nous, on abandonnait la petite plage de Ramonette et on filait sur le port. On ne faisait rien, on laissait le temps filer. On observait la vie assoupie, en jetant des coups d'œil vers le ciel, au cas où les nuages voudraient bien laisser passer le soleil nécessaire à la virée familiale, à Donnant, notre immense banc de sable préféré. Pas les seuls à surveiller l'arrivée du bateau. Il y avait toujours deux gendarmes, quelconques, résolument curieux. On se demandait ce qu'ils foutaient là. Ils n'observaient qu'à peine les passagers descendre. Ce n'était donc pas un trafic mirifique qu'ils tentaient de découvrir. Sinistrement, quand les voyageurs repartaient, là, ils se postaient de chaque côté de la passerelle d'embarquement et regardaient tout le monde sous les moustaches. Total mystérieux. Un détail. Il y avait d'autres mômes qui faisaient la même chose que nous. Véritablement rien. Rien que s'asseoir, pas loin du quai, mater le petit paquebot, admirer la mer en silence, là-bas, entre les deux piles de la jetée. Visigoth, qui avait l'air d'habiter là. Xiphidion, fils d'agriculteur, sûrement. Les enfants de pêcheurs, eux, ne regardent pas l'océan, sinon pour guetter le père ou le frère. Ces mômes, immobiles, attendaient peut-être le moment d'être assez grands pour se barrer de la famille, du boulot, tête baissée contre la terre, de l'île. Il y avait notre copain, qui chaque année, pendant le mois de vacances, devenait quasiment fou, déprimé d'être sur une petite terre entourée d'eau. On se moquait de lui. Zizi la chochotte, on l'appelait. Avec les années, j'ai appris que c'était une maladie, la claustrophobie. Pas besoin d'être coincé dans un ascenseur ou un placard. Ça pouvait se déclencher sur une île, même de 20 km de long. Bref, quand il faisait beau, on passait la journée près des grosses vagues glacées, sur le sable chaud à zoner, pareil, à ramasser des coquilles, chercher des dormeurs ou des petites moules. Curieusement, le soir, quand on revenait au palais, on s'apercevait que les gendarmes étaient là, à leur poste incompréhensible, regardant les touristes d'une journée, cuits et harassés par les bains, montés sur le bateau. Du môle d'en face, les autres jeunes plus loin, groupés comme nous, face à la citadelle et au quai d'embarquement, faisaient de même. Ils guettaient, butaient. Ils avaient l'air de chercher à comprendre. Ensuite, on a même pensé aller les voir, leur parler, pour confronter nos suppositions, mais on n'a pas osé. Fermés, ils paraissaient tellement silencieux, vaguement repliés sur eux-mêmes, tristes, sûrement des bagarreurs, comme les gens d'ici. Gueule presque noire. Habitués à ce que les points remplacent les explications trop compliquées. Il est arrivé ce qui devait arriver. Un soir, l'un d'entre eux est venu vers nous. Nous n'en menions pas large. Je m'en souviens, il avait un livre à la main, « Paroles » de Jacques Prévert, et s'est mis simplement à nous faire la lecture. « Bandits, voyous, voleurs, chenapans !» Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. « Bandits, voyous, voleurs, chenapans, qu'est-ce que c'est que ces hurlements ?»« Bandits, voyous, voleurs, chenapans !» C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. « Kézako ?» La voix du jeune Marlou s'est alors cassée, et il est reparti vers sa bande. On n'a pas bien compris. Temps mort, suspension des contraintes. Oyez, oyez, chers auditeurs, ce que la radiodiffusion française a écrit ou chanté sur les bagnes pour enfants. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, schnappant, qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Maintenant, il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, schnappant, ces messieurs sur le rivage. Sans bredouille et vert de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Rejoindras-tu? Des oiseaux tout autour de l'île, il y a de l'eau. Fin du temps mort, reprise des contraintes. Mais plus tard, bien plus tard, j'ai appris l'existence du bagne pour enfants, abruté, dans le bois trochu. Nos gendarmes étaient donc là pour éviter que les petits bagnards se sauvent en bateau, puisqu'ils ne pouvaient pas le faire à la nage. Opiniâtre les képis. Pauvre gosse. Quant à Prévert, il avait écrit son poème après l'affaire de 1934. Révoltés, les petits colons, là-bas, ceux du bagne, avaient foutu le feu. Ils en avaient marre des violences, des mauvais traitements et de la bouffe dégueulasse. Et les gens d'ici, aidés par quelques touristes, leur ont fait la chasse. Une vraie battue au renard, aidée par une prime de 20 francs de l'époque. Si l'on avait su, on les aurait regardés d'un autre œil, ces survivants. Tendus, on se serait mis à les craindre, autant qu'à les plaindre, hein, ces enfants mineurs et délinquants qu'on faisait trimer, absurdement. Un travail harassant considéré comme punition, levé à 5 heures, 8 heures de boulot, les sévices, les rétorsions, les conditions de vie. Voilà, les gosses poussés à bout avaient même tué en 1908 un de leurs geôliers lors d'une sortie en mer. Wuba, dans les années 60, ça avait dû changer. Ils devaient être quand même mieux traités qu'au début du siècle, mais c'était quand même des prisonniers. Xérus en liberté. Youp ! Quand en fin de vacances, nous avions repris le bateau, ils étaient là, assis, moroses, sur le quai. Zazu nous regardant partir. Au même moment, le Marcel a refait surface. Il a ouvert le guichet et j'ai vu sa calebasse. Échevelée. Le type craquait, il s'enfonçait. Il ne voyait pas la fin. Il ne savait plus. Bordel, vous êtes encore là? Vous avez vraiment du temps à perdre. C'est que jamais rien n'est perdu, Marcel. Dégueulasse. C'est dégueulasse, ne m'appelez pas Marcel, on n'a pas gardé les vaches ensemble. Je vous connais même pas. Et surtout, me dites pas que c'est pour mon bien. Et pourtant, je n'ai rien dit. Fumier, je vous entends penser d'ici. Groggy, il m'a observé. Ses yeux roulaient dans les orbites. Il se demandait. Il ne savait plus trop où il en était. Hésitait. Il se demandait s'il fallait continuer de me parler. J'avais presque gagné la deuxième manche. Kilos. 10 kilos. J'allais lui en balancer 10 kilos. Le Gérard. Monsieur Gérard, le pauvre syndicaliste. Notre victime syndicale. Ôtez-vous de la tête que c'était une noix blanche. Pardon ? Mais je n'ai jamais dit ça. Quoi ? Renégat. Vous le pensez ? Tout le monde le pense. Eh ben, c'était une belle saloperie, le Gérard. Dès qu'il a vu que la boîte flanchait, il a été négocié avec les Allemands une reprise. Tout seul, de son côté. Tout ce qu'il espérait, c'est que je laisse ma place. Si ? Si ? Une entreprise que j'ai créée tout seul, à la force du poignet, dans le cadre de la loi, avec comité, syndicat, tout le tout-team, avec les casiers personnels, la douche, les RTT, tu parles ? Pendant ce temps-là, le reste du monde me prenait à la gorge. Vacherie, l'État, l'Europe, les taxes, Et Gérard, pendant le même temps, se dégénérait, disait à ses potes de pas en faire trop, que j'étais un ragard, qu'il fallait que ça change, que tout change, et que ça passait par ma disparition, par ma mort. Et ben c'est lui qui est mort. Ah, un traître. Vlan et merde. Wallenstein, Xenopole, Yamagata, Sissendorf. Alors, il a violemment refermé le guichet. Bizarrement, j'étais content. Enfin, aussi content qu'on peut l'être dans ce genre de situation. J'étais crevé. Je n'avais envie que de m'allonger dans un petit lit, même pas douillet. Mais j'étais satisfait d'avoir établi le contact. Certes, il frôlait le burn-out. Du haut de sa détresse, il m'avait asséné un discours que je ne lui avais même pas demandé. Évidemment, c'était qu'il avait envie de parler, de s'expliquer. Fiévreux, je suis sorti de la pièce. J'ai demandé un autre café bien serré. Et j'en ai profité pour questionner le substitut du procureur, pour qu'il m'assure de la validité et de la vraisemblance de tout ce que m'avait balancé le Marcel. Gueule du fonctionnaire. Honnêtement, enfin, je crois, il m'a précisé que c'était du délire, que le dénommé Gérard, la victime, était plutôt du genre insignifiant. En tout cas, pas du tout le quasi-traître dépeint par Marcel. Bon père, deux enfants et à 3 mois de la retraite. Insensé. Le forcené dans le noir absolu de sa haine et de sa déprime avait malheureusement trouvé un bouc émissaire. Et ce serait donc difficile, très difficile, de le lui faire admettre. Je n'en pouvais plus. Il n'était pas loin de 5 heures du matin, mais je savais par habitude que Marcel ne dormirait pas et qu'un type dans cet état, dans cette situation, ne s'écroulerait qu'épuisé totalement, ce qui prendrait encore au moins 10 heures, voire plus. Kamikaze, il avait peut-être, dans un des tiroirs de son bureau de petit patron, des cachets miracles pour tenir bon. Là, j'ai demandé aux autorités compétentes de bien vouloir convoquer sa secrétaire personnelle. Marcel était célibataire et n'avait pas d'enfant. C'était peut-être elle qui en savait le plus sur lui et ses petites manies. Non, il ne fallait pas négliger cet aspect du problème. On peut ainsi arrondir des angles trop aigus. Puis je suis revenu me planter sur ma chaise, qui commençait à devenir un engin de torture. Rétamé, dès que je me suis assis, le guichet s'est ouvert et Marcel, complètement allumé, s'est mis à hurler. Sérieusement, l'Europe, elle est où l'Europe? C'est elle qui devrait être là. Si elle était là, je lui mettrais un coup de fusil en plein dans sa tronche à l'Europe. C'est comme pour l'andouillette, la 5A. La finance internationale veut nous retirer 2, je rigole. Et l'andouillette 3, ça veut plus rien dire, c'est nul. Et moi, je suis comme l'andouillette. J'ai rien demandé, moi. J'ai pas demandé mes dettes, mes crédits pourris. En fait, moi, j'ai rien à rembourser si on réfléchit. Moi aussi, je suis une andouillette. Roulée, goûteuse, baignée dans son jus, règne sur mes frites. Je fais pas l'andouille, moi. Je veux simplement qu'on me foute la paix. Tout à coup, il a refermé la petite trappe. Une chose était sûre, ça y était. Il avait pété les plombs. Voilà. C'est là où il fallait faire vraiment gaffe et tout arranger pour ralentir la progression inexorable de sa haine et de son aveuglement. Wagner sans orchestre? Je me suis levé. J'ai fait les 100 pas devant sa porte pour lui montrer, s'il me regardait par l'œil-ton, que j'étais un peu perturbé, moi aussi, sur la brèche, prêt à tomber d'un côté ou de l'autre. Xénien, j'ai senti de l'agitation du côté du pouvoir. Il y avait du nouveau. Zélé, je suis sorti. La secrétaire était là. Je m'attendais à une dame proprette d'un certain âge, avec les cheveux bleutés et un collier de perles. Mais c'était une brune, aussi trentenaire que volontaire. Apparemment, on l'avait réveillée en pleine nuit, et ça ne se sentait pas. Elle restait piquante. Une sorte d'Elsa Martinelli d'avant. Bon, je vous préviens, ne comptez pas sur moi pour dire du mal du boss. Car il a donné, le pauvre. Ça fait un moment que ça traînait. Du calme, non. Je voudrais uniquement savoir s'il avait de petits plaisirs. Des petites manies, des trucs comme ça. Eh bien, lui, il y avait un truc qui le calmait. Fumer un bon cigare. Mais comme il se méfiait d'une addiction possible, c'était moi qui étais chargée de lui en donner un, quand je jugeais bon de le faire. Galante. Hésitante, elle a fouillé dans son sac à main et a sorti quelques tubes en alu. Il voulait toujours cette marque. Je compatis. Des Cohibas? Cabac, pas n'importe quoi. Je les prends. Les autres, qui semblaient me prendre pour le traître mou de service, ne savaient plus quoi penser. Je leur ai demandé de préparer des cordes. Ils devaient bien avoir ça quelque part. Maladroitement, je suis revenu dans le bureau. Depuis quelques minutes, je repensais absurdement au documentaire sur le chasseur de tigres sibérien, et je me prenais pour lui. Néanmoins, derrière la porte, il y en avait un autre de tigre, orgueilleux, dangereux, un tueur. Peu de chances de l'amadouer, et je n'avais pas de chien avec moi, de ces chiens suicidaires et stupides, comme dans le film, qui fonçaient dans l'antre de la bête et en ressortaient en sang. Qualité suprême du courage idiot. Rares étaient les raisons d'espérer que mon fauve abandonne sa nature profonde. Et presque personne ne pourrait jamais le ramener à sa condition de gros chat ronronnant. Silencieux, je me suis promené dans la pièce, va-et-vient régulier, passant toujours devant le guichet, les cigares bien en vue dans la main. Toujours aucune réaction de l'autre côté du mur de Berlin. Une minute plus tard, j'ai allumé un cigare. Je détestais ça, mais j'ai tenté le coup. Vraisemblablement, les effluves vont traverser l'épaisse porte, car le guichet s'est ouvert brusquement. Et la grosse tête échevelée de Gendron s'est encadrée dans l'ouverture. Donnez-moi un, ou je fais tout sauter, espèce de turc. Xénophobe en plus. Et vous me donnez quoi en échange ? Il n'y aura rien. Que dalle. Zéro, je suis pas à acheter. Allez. Allez, filez-moi, hein. Ça va me calmer. Sinon, je réponds plus de rien. C'est de votre faute. Vous n'aviez qu'à pas en allumer un. Bémol. Car moi aussi, j'ai droit à un calmant. Défilant sur son visage, j'ai vu passer les ombres néfastes du bout du rouleau. Du va-tout, du « puisque c'est comme ça », du « à partir de maintenant, c'est n'importe quoi », du « allez tous vous faire ». Et alors, j'ai fait machine arrière. Finasserie d'une médiation, lâcher 10 pour obtenir 20. Good. J'espère que vous vous en souviendrez. Eh, hey, faut pas rêver, mon pote. Je me suis approché très lentement du guichet, un koiba à la main, et je lui ai tendu sans mettre ma main à l'intérieur de sa tanière. Krakatoa ! Le forcené a fait une erreur. Il s'est avancé un peu trop, sa tête emplissait presque l'ouverture, et il a tendu la main. Moi, pendant une demi-seconde, j'ai vu un tigre, une bonne tête sanguinaire et un peu débile de tigre, et je n'ai pas réfléchi. Ni une ni deux, j'ai plongé mes deux mains dans l'ouverture, j'ai saisi le gendron par les oreilles, et de toutes mes forces, je l'ai attiré vers moi, en hurlant. Oubliant tout, et notamment la soudaine agitation, derrière moi les autres arrivaient en vitesse, j'ai vu, dans les yeux du forcené, une surprise incroyable. Tout à fait comme dans le film où le tigre capturé semblait penser « C'est pas vrai, mais c'est pas vrai ce truc, c'est pas possible, putain, c'est pas vrai, me faire baiser comme ça, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Puis des types masqués l'ont alors attaché avec des cordes, comme un pendu au sol, la tête encadrée dans le guichet, saucissonné, et à l'aide d'un bélier ont enfoncé sauvagement la porte, empêchant leur proie de diriger son fusil vers eux, qui avait néanmoins une sacrée trouille. Réellement, je n'ai pas pensé à ce pauvre type qui allait affronter la justice et sans doute croupir à un bon moment dans une jungle de 6 mètres carrés. J'ai pensé à Belle-Île, aux Docho, aux Grandes Marées, à mon corps nu attaqué par le sel et la brise du matin. Ce matin, le représentant du procureur est venu vers moi, me serrant la main comme si je venais de gagner les 24 heures du Mans. Topé-là ! Topé-là ! Nom d'un chien, j'y crois pas. J'ai encore jamais vu ça. Ça mérite d'entrer dans les manuels de formation. C'est inouï. Mais comment avez-vous pu arriver... Une certaine magie du cinéma, tout simplement. Vraiment, je ne comprends pas. Vassing, il n'y a rien à comprendre. C'est sibérien, c'est tout. Vous n'avez rien un peu fort à boire? Xérès, si vous voulez. Il n'y a rien d'autre? Zut non, c'est la crise. Ah, the end. Fin des contraintes. C'était « La capture du tigre par les oreilles » de Jean-Bernard Pouille. Avec Alain Fromager, Sophie Bezard, François Perrache, Jean-Christophe Fraîche, Jean-François Lescura, Manon Leroy. Bruitage, Sophie Bissantz. Équipe de réalisation, Sébastien Labarre, Cédric Châtelus, Marion Guilaine, Jean-Mathieu Zande. Retrouvez en kiosque la saison 3 des Petits Polars avec Le Monde et SNCF.